Quarter. Sature, c'est la basse, non? Ouais, vous, excusez-moi, hein, mais je suis test. Hein. Oh, la basse toute seule. Sature la basse? Faire quoi vous? Salut Mike. Thank you. Salut Manu. Salut Manu, Manu, Manu. La pop là. Alors là, c'est pop music. Thank you. trouver mon médiateur. Je cherche mon médiateur. C'est cool ça. Ouais, c'est bien ça. change le rythme. Oui. Bon, on va